tout bon forestier connaît Hydromec, 2921 Boulevard Wahlberg. En plus de faire la réparation et la vente d'équipements forestiers neufs ou usagés, nous avons un département de pièces qui répond aux besoins de nos clients. Notre équipe est aussi reconnue pour la qualité de son service et a obtenu le titre de meilleur centre Pointy au monde. Hydromec, fondé en 1975, compte plus de 50 employés. Pour nous rejoindre, 418-276-5831. Tout notre personnel est heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. L'association de soccer de Dolbeau-Mistassini débute ses activités cette semaine. Question de savoir comment il y a eu d'inscription, que si ça a bien été, qu'est-ce qu'on s'attend, les nouveautés. On parle avec la présidente Véronique Pilote. Salut Véronique. Véronique, à quoi s'attendre la saison? Est-ce que, bon, ça a eu lieu quand même à la fin mars, si je me rappelle bien l'inscription, et ça a été positif. Est-ce que c'est positif ou ça ressemble pas mal les autres années? Il y a une petite baisse comparativement à l'année passée, mais c'est parce qu'on a une équipe de moins en senior féminine, donc la différence est là, mais pour le reste, là, c'est semblable. Comment t'attribues ça? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'équipe, est-ce que ça a passé proche d'en avoir une ou il en manquait pas mal? Il en manquait pas mal, donc ceux-là qui étaient vraiment intéressés à jouer, ben sont allés s'inscrire à Saint-Félicien parce qu'on n'était pas capable d'avoir assez de joueurs. Donc, combien d'inscriptions comparativement aux autres années? Tu vois, cette année, au total, champion local et régional, on a 260 joueurs environ. L'an passé, on avait 274. OK, une petite baisse, donc de 12-13 personnes, à peu près. Bon, okay. Une équipe. Donc, à quoi s'attendre? Est-ce que les équipes vont être compétitives? Est-ce que la fameuse année au soccer intérieur, est-ce qu'on peut dire que c'était positif? Est-ce qu'on va avoir des améliorations? Je sais que les jeunes ont trouvé... Ce que tu m'as déjà dit, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement aimé ça, mais est-ce qu'on va avoir une amélioration quand même? On espère réussir à en avoir encore cette année, bien sûr. C'est certain qu'il y a certaines catégories que ça a été plus difficile que d'autres. Il va falloir les motiver un petit peu plus pour les convaincre. Mais on va essayer. Mais c'est sûr que ceux-là qui ont joué cet hiver, là, ça va paraître sur le terrain cet été. Il y a combien d'équipes dans différentes divisions? OK. Nos petits champions, là, on a 120 petits champions. C'est réparti en 16 équipes. Puis deux équipes de U4. On a 20 U4. Ça, c'est des petits-petits, là. C'est vraiment nos plus jeunes. Après ça, on a 5 équipes en local U8, U10. Ouais. Ça, c'est une nouveauté. On a 3 équipes U10. D'habitude, c'est 2-2. Là, on a 2-3. Après ça, en régional puis senior, on a 84 jeunes et adultes. Ouais. C'est sûr que senior, il y a beaucoup d'adultes. Donc, on a 2 équipes U12. Mix, c'est une nouveauté aussi. Habituellement, on a juste une équipe, là, on en a deux. On a 2 équipes U16, une féminine, une masculine. Okay. Puis on a une équipe senior masculine. Okay. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'équipe. Ouais. Dans la plupart des équipes, est-ce que ça va être. Dans la plupart des équipes, est-ce que tu t'attends des bons résultats? Parce que je sais que l'équipe. C'est quoi? C'est l'équipe masculine U13 l'an passé que ça avait été fort, là? L'équipe de l'année. Oui, l'équipe masculine U14. Oui, donc j'imagine qu'ils vont progresser encore. Cette année, ouais, j'imagine que. Est-ce que dans le U16, est-ce qu'il faut s'attendre à de bons résultats? J'imagine que oui. Peut-être un petit peu moins que l'année passée parce qu'ils sont jeunes. C'est leur première année en U16. Je te dirais que le trois quarts de l'équipe aurait pu être encore U14 cette année, mais ils suivent tous, donc ils sont U16 avec les autres. Fait que c'est sûr qu'on est un petit peu plus jeunes. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais ils sont beaucoup. C'est bien ça. Dis-moi maintenant, est-ce que du côté des projets, est-ce qu'on a des projets à l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini? Faire avancer l'association encore. Je sais que du côté des terrains, l'éclairage des terrains, est-ce que ça avance, ce dossier-là? Pas vraiment. C'est sûr que notre rêve, ça serait de réussir à avoir un autre terrain éclairé, parce que là, on en a juste un, donc c'est un petit peu problématique. Mais... c'est un dossier assez compliqué, fait que là, pour l'instant, on n'est pas là-dedans encore. Notre rêve, ça serait peut-être pour la saison prochaine d'avoir un petit festival U8 ou 10 ici. Un genre de tournoi, là. Oui, un genre de tournoi, mais en U8 ou 10, on appelle ça festival. OK. Donc, ce serait quoi? Ce serait durant la période d'école? Comment ça marcherait? Non, ça serait pendant la saison estivale. OK. Du côté des bénévoles, est-ce que c'était facile à trouver? Encore cette année? On a un petit peu de difficulté à trouver des entraîneurs. Okay. Honnêtement, là. C'est l'été, hein? C'est pour les équipes plus vieilles, là, c'est plus difficile de trouver des entraîneurs. OK, c'est. puis les arbitres aussi. On manque cruellement d'arbitres. OK. OK. Mais qu'est-ce qu'on a fait du côté de l'association pour un petit peu enrayer ça? J'imagine qu'on les paye bien, comparativement au hockey mineur, que c'est quasiment du bénévole, mais je pense qu'au soccer, les entraîneurs sont quand même bien payés, là. Oui, les entraîneurs sont payés, les arbitres sont payés. Le problème, c'est probablement ça, la disponibilité, le fait que c'est l'été, ouais. Il y en a que ça les intéresse moins. Puis au niveau arbitrage, on en a quand même beaucoup qui sont formés, mais c'est nos U16 qui sont formés en majorité, donc ils jouent eux autres mêmes, ils sont un peu trop jeunes pour arbitrer des plus vieux. C'est là que c'est difficile, là. Ça nous prendrait des adultes. OK, puis ça c'est dur à trouver évidemment l'été, là. Puis tu sais, il y en a beaucoup. Parce que est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent au soccer et qui jouent au hockey? Oui, hein, oui. Fait que j'imagine que le parrain qui joue au soccer, au hockey l'hiver, il passe à être beaucoup moins de s'impliquer dans le soccer. Là. J'imagine que ça. Ouais, probablement. Okay. Ben, on va vous souhaiter une bonne année, Véronique, puis à toutes les semaines, comme on a l'habitude, on va parler avec. Je pense que c'est Patrick Matombo, je pense que c'est ça qui est le relationniste. Oui, Patrick Robiano. Qui est le raciniste. Donc, c'est avec lui qu'on va parler pour avoir des résultats puis de savoir un peu ce qui se passe. Avec votre grande fête en terminant, c'est quand? C'est vers le mois de juin? La fête du soccer, ça devrait être le 30 juin. Un petit peu plus tard que d'habitude. Ben, Véronique Pilote, gros merci pour sa part. La présidente de l'Association de soccer de Boom-Sesny, Véronique Pilote.